L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Prochainement à l'affiche, oui, ça peut se doubler ainsi parce que oui, c'est un moment, un monument du théâtre aussi, la Mouette. D'Anton Tchekhov, on a dit à juste titre que c'était probablement son véritable chef-d'œuvre. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Eh bien, c'est Jean-Joël Le Chapelain qui va répondre à la question. Une pièce, juste avant de commencer à répondre, une pièce qui était résumée d'ailleurs par Anton Tchekhov, par lui-même, je le cite, une comédie avec trois rôles de femmes et six rôles d'hommes en quatre actes et un paysage, une vue sur un lac, on se resitue l'action, beaucoup de discours sur la littérature, peu d'action et 5 tonnes d'amour. Ainsi, Anton Tchekhov parlait de cette pièce. Oui, et là, pour ce qui concerne la partie du chef-d'œuvre, je ne me hasarderai pas à dire que cette pièce est un chef-d'œuvre ou pas un chef-d'œuvre, puisque je pense que beaucoup de pièces de Tchekhov sont en fait des chefs-d'œuvre. Donc en sélectionner une, ça serait déjà peut-être être dans l'erreur par rapport à celle qui est à côté. Reste que cette pièce est absolument magnifique en effet, et que les intentions de l'auteur ne sont pas exorbitantes, hein, puisqu'il dit, dans la même citation, en prolongement de la citation faite à l'instant, il dit que la vie ne connaît pas de sujet, dans la vie tout est mélangé, le profond et l'insignifiant, le sublime et le ridicule. Donc cette phrase traduit à peu près l'univers constant des textes de Tchekhov, qui cherche rien d'autre finalement qu'à traduire la vie qui l'environne, puisqu'on sait que Tchekhov était médecin, qu'il circulait beaucoup en Russie et voyait beaucoup de gens, et que c'était aussi pour lui, ses rencontres avec ces personnes singulières dans des situations particulières à chaque fois étaient une source d'inspiration très très forte pour la peinture sociale qu'il a faite et qu'il nous a transmise au travers de ses textes de théâtre, quoi. Donc c'est véritablement très plaisant d'entrer avec lui dans ces univers. Il y a eu des choix, un parti pris au niveau de la mise en scène et du travail d'adaptation. La mise en scène de Thomas Ostermeyer, traduction, on trouve des traductions qui s'appuient sur 3 langues. Oui, alors Thomas Ostermeyer, qui est un grand metteur en scène, il est grand par la taille, puisqu'il fait pratiquement 2 mètres de haut, mais il est grand par le talent aussi des mises en scène récentes qu'il a présentées, en tout cas en France. Directeur de la Schaubühne, qui est une très grande institution allemande, depuis 1999, il a monté un certain nombre de spectacles, il s'intéresse beaucoup, lui, et tout le temps à cette relation de la société, des auteurs dramatiques et des metteurs en scène avec la peinture d'une société bourgeoise. Et donc quand il a décidé de monter Tchekhov, il a fait appel à Olivier Cadiot, qui est un auteur français d'aujourd'hui, bien sûr, et qui lui-même s'est appuyé à la fois sur la traduction propre qu'a faite Ostermeyer, mais aussi la traduction d'Antoine Vitesse, hein, qui était, comme chacun sait peut-être et s'en souvient, qui était un grand metteur en scène français, mais qui était russe, hein, et qui avait donc lui-même fait une traduction de Tchekhov. Et donc Olivier Cadiot et puis Ostermeyer ont travaillé un texte comme ça, qui est d'une correspondance et d'une immédiateté qui parle davantage, en s'appuyant sur ses fondements, à la société d'aujourd'hui. Et comme je le disais, c'est cette focale qui consiste à finalement être attentif aux signes d'évolution de la bourgeoisie, puisque si on entend bien Ostermeyer, et on peut être assez en accord avec lui sur ce regard, c'est véritablement la société bourgeoise qui permet les évolutions des sociétés, et le côté un petit peu étriqué qu'on lui connaît aujourd'hui, qui trouve d'ailleurs ses traductions dans certains engagements, dans certaines élections par exemple, conduit à finalement avoir une attention très particulière, et tous les textes que montent ces dernières années, aussi bien Un ennemi du peuple que la pièce, que le Richard III de Shakespeare qu'il a monté l'été dernier aussi à Avignon, sont dans des registres différents, sur le même, à peu près la même intention artistique. Alors pour l'adaptation comme pour la mise en scène, il y a eu, je parlais de parti pris, en tout cas, une action qui a été recentrée à la fois sur l'art et l'amour. Oui, c'est véritablement le point d'entrée. Alors, on a pu reprocher à Thomas Sommerer de faire une entrée dans le spectacle par un clin d'œil, si on peut dire, à l'actualité, puisque il y a deux personnages qui font partie intégrante du spectacle, évidemment, qui sont un petit peu sortis du contexte et qui viennent parler de l'actualité avec ce que vit l'Europe, avec les vagues de réfugiés. Mais en même temps, ça illustre complètement ce désir de modernité, cette réalité de modernité de cette pièce, avec la traduction qui en est actualisée, mais aussi avec un principe scénographique qui est un principe clos, c'est-à-dire que ces relations amoureuses, hein, Macha, enfin l'instituteur qui aime Macha qui aime Treplev, Treplev qui aime Nina, Nina qui aime Trigorin, Trigorin qui aime Arkadina, donc c'est une espèce de succession. On est aussi chez on pourrait dire chez Destos, mais multiplié par 3 ou 4 filiations comme ça, tuyauterie amoureuse, si on peut utiliser ce terme, et donc ça crée une espèce de registre à la fois explosif sur le plan des sentiments, sur le plan des frustrations, sur le plan et également de la tenue bourgeoise, c'est-à-dire qu'on ne fait pas trop apparaître ces sentiments, et que donc ça en arrière-plan, le respect des formes et puis la passion qui anime les êtres, eh bien conduit à ce temps qui s'effile, mais dans lequel apparaissent les grosses fractures entre un Treplev qui veut être jouer un rôle dans l'écriture dramatique contemporaine, puisqu'il voudrait un manifeste qui s'inscrive contre le théâtre traditionnel de son époque, et face à une mère qui est une grande comédienne reconnue à Moscou et qui tourne dans les grands spectacles, et que donc il y a le conflit familial de la non-reconnaissance, il y a également le conflit des contenus, et puis les relations fondamentales, enfin, qui sont de sang entre elle et lui et elle, et qui font que tout ne peut pas être dit malgré tout, et c'est un peu vrai pour chacun des protagonistes de cette action, qui est une action quand même à fleurer moucheté dans les relations un peu comme ça de tendues entre les aides, mais qui nous correspond complètement si on veut bien regarder les choses, ou si on ne veut pas le regarder, on entre dans une fiction tout à fait agréable. Spectacle à découvrir sur scène, cette fois-ci ça sera à l'apostrophe Théâtre des Louvrais à Pontoise, les mercredis 30 novembre à 20h30, le jeudi 1er décembre à 19h30 et enfin le vendredi 2 décembre à 20h30, tout cela à l'affiche évidemment de l'apostrophe. La scène nationale de Cergy-Pontoise, une précision, une indication complémentaire, ce spectacle sera présenté dans le cadre plus large du Festival Théâtral du Val-d'Oise, peut-être d'un mot pour dire la relation entre la et ce Festival Théâtral du Val-d'Oise. Bon, c'est une relation de compagnonnage, comme le Festival Théâtral du Val-d'Oise fait un travail depuis une bonne trentaine d'années, je crois, sur le territoire du Val-d'Oise, qui associe des communes petites et grandes pour donner une certaine lisibilité à la vie théâtrale. Eh bien, depuis plusieurs années maintenant, depuis la présidence, la direction plutôt de l'événement par Bernard Matenat, nous sommes associés dans des projets les plus divers. La dernière collaboration en date était celle de la saison dernière, avec la coproduction par le festival et la scène nationale du spectacle de Joël Pomera, Saïra, qui a donc été repris d'ailleurs cette année, et qui témoigne de que nous défendons une chose en commun, la chose que nous avons en commun, qui est l'art dramatique sous toutes ses formes. Merci Jean-Joël Le Chaplin. De rien.